J'écris des choses trop compliquées. Est-ce que je dois simplifier ou simplement oublier? Je pars rouler pour m'évader, mais la seule vision que j'ai est plein de monde en train de texter. C'est mal. Ce qui menace les gens se trouve dans leur poche, leur cam de roche, avec leur iPad, iPhone, iTouch. Si l'on pouvait mettre des couleurs sur toutes les ondes, plus personne ne verrait le paysage dans ce monde. Chaque personne est un banc de parc en plein hiver sous l'épinette. Les pattes bien prises dans le gel, l'atlas du net. Ce qui menace les gens se trouvent dans leur poche, leur cam de roche, avec leur iPad, iPhone, iTouch. Si l'on pouvait mettre des couleurs sur toutes les ondes, plus personne ne verrait de paysage